Conte de fées en français. La princesse enchantée. Il était une fois un soldat qui s'appelait Achille, qui dit adieu à ses camarades et se prépara à rentrer chez lui. Après des jours de voyage, il se retrouva à court d'argent pour acheter de la nourriture pour lui-même et pour son cheval. Et sa maison était encore bien loin. Il était affamé, mais enfin, il arriva devant un immense beau château. Il entra dans le château, mit son cheval dans l'étable, lui donna à manger et alla au palais. Sur l'une des tables, il y avait tous les meilleurs plats et boissons qu'une personne pouvait souhaiter. Il but et mangea autant qu'il put, quand soudain, un ours entra. Oh ! Oh non, n'aie pas peur. Je ne suis pas vraiment un ours effrayant, pas du tout. Eh bien, de mon point de vue, tu en as plutôt l'air. Relax, je suis une jeune fille. On peut même dire une princesse enchantée. Et si tu acceptes de passer une nuit ici, mon sortilège sera rompu. Je suis désolée, mais je ne crois pas que je veuille passer une nuit en présence d'un ours. Ne t'en fais pas, je ne te ferai pas de mal. L'ours montra à Achille le portrait d'une belle princesse. Tu vois ici, c'est moi, princesse Paris. Que tu es belle! Merci. Et si tu restes cette nuit et que tu m'aides à briser mon sortilège, alors je t'épouserai. C'est une promesse. J'adorerais t'avoir comme épouse. Je vais donc rester cette nuit. Merci. Je m'appelle Achille. Merci, Achille. On se voit demain, alors, d'accord? Achille acquiesça. Et l'ours s'en alla. Fatigué de sa longue journée, il alla se coucher. Le lendemain, au lever du jour, la princesse entra. Elle était encore plus jolie que sur son portrait. Tu m'as aidé à rompre le sortilège, Achille. Merci. Et comme je te l'avais promis, je t'invite à te préparer pour notre mariage. Le mariage fut célébré et ils vécurent ensemble très heureux. Des jours passèrent et Achille pensa à sa famille à qui il eut soudain envie de rendre visite. S'il te plaît, n'y va pas. N'es-tu pas heureux ici? Ma chérie, j'ai vraiment envie de voir mes vieux parents. Mais ne t'inquiète pas, je serai vite de retour. Bon, eh bien, d'accord. Si tu dois vraiment y aller, prends avec toi ce sac de graines. Où que tu ailles, jette ces graines de chaque côté de ta route. Où qu'elles tombent, des arbres pousseront. Et sur ces arbres, des fruits rares pousseront et de beaux oiseaux chanteront. Tout est si magique avec toi. Je suis tellement heureux de t'avoir épousée. Et moi de t'avoir trouvée, je suis heureuse. Achille embrassa sa main et s'en alla. Les jours suivants, où qu'Achille aille, il jeta des grains magiques. Et derrière lui, des arbres poussèrent comme s'ils avaient toujours été là sous terre. Un jour, au milieu d'un champ, il vit un groupe d'hommes assis sur l'herbe, jouant aux cartes. Près d'eux, une bouilloire était suspendue. Et bien qu'il n'y eût pas de feu en dessous d'elle, la soupe était chaude dedans. Bonjour, mes bons amis. C'est merveilleux. Vous avez une bouilloire qui bout sans feu. C'est génial. Mais j'ai quelque chose d'encore mieux. Il sortit une graine et la jeta au sol. En un instant, un arbre poussa avec des fruits rares sur ses branches et des oiseaux chantant tout autour. Où a-t-il trouvé ces graines magiques? Seule la princesse enchantée possède de telles graines. Je pense que c'est le type qui l'a aidé à briser le sort qu'on lui avait jeté. Il va le payer. Oui, faisons-le dormir pendant 6 mois. Achille ne savait pas que ces hommes étaient ceux qui avaient jeté un sort à la princesse Paris. Ils lui jetèrent un sort et immédiatement, Achille tomba de son cheval pour s'endormir. Peu après, la princesse Paris fut informée par ses soldats que tous les arbres s'étaient asséchés et étaient comme morts. Oh, ce n'est pas bon signe du tout. Quelque chose de grave a dû arriver à mon mari, c'est sûr. elle décida de partir à sa recherche. Elle prit le chemin qu'Achille avait emprunté. Et quand elle atteignit le fameux champ, elle y vit un arbre magnifique et dessous son mari. Elle le secoua, l'appela et même le pinça, mais il ne bougea pas d'un pouce. La princesse Paris se mit fort en colère et dans sa colère, elle le maudit. Toi, le dormeur, je souhaite qu'un énorme orage te soulève et t'emmène très loin dans un pays inconnu. À peine eut-elle fini de prononcer ces mots que des vents violents vinrent souffler et siffler avant de soulever son mari pour l'emporter juste sous ses yeux. La princesse regretta immédiatement ses paroles, mais c'était trop tard. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant ce temps, Achille fut porté par les vents et emmené sur une île lointaine. Quand il rouvrit les yeux, 6 mois venaient de passer. Il se réveilla, sauta sur ses pieds et regarda autour de lui. Comment suis-je arrivé ici? Qui m'a amené ici? En marchant sur la plage de sable de l'île, il vit 3 hommes en train de se battre. C'étaient les fils d'un magicien malicieux. Que se passe-t-il? Pourquoi vous battez-vous, les jeunes? Monsieur, voyez-vous, notre père vient de mourir et il nous a laissé 3 choses magnifiques. Un tapis volant, des bottes de 7 lieues et une cape d'invisibilité. Mais nous n'arrivons pas à décider qui prend quoi. Aidez-nous, s'il vous plaît. Oh, idiot de magicien, arrêtez de vous battre. Si vous voulez, c'est moi qui ferai le partage. Comme ça, vous ne pourrez qu'être satisfait. Les magiciens acceptèrent. Bon. Vous voyez ce cocotier? Celui avec les feuilles qui touchent le sol? Oui. Oui. Oui. Gardons les 3 merveilles au sol près de moi et faites la course aller-retour au cocotier. Celui qui arrive en premier jusqu'à moi choisira le premier objet parmi les 3. Celui qui arrive 2e choisira parmi les 2 restants. Et celui qui arrive 3e, eh bien, il prendra l'objet qui reste. En un éclair, les 3 magiciens se mirent à courir. Achille sourit et prit les bottes de 7 lieues, la cape d'invisibilité, s'assit sur le tapis volant et s'en alla vers son royaume. Au bout d'un moment, il arriva à une cabane. Il entra et y trouva une vieille dame. Bonjour, grand-mère. J'ai vraiment très faim. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'offrir à manger? Certainement, fils. Viens donc t'asseoir. Achille s'assit et la vieille dame agita ses mains en l'air. Aussitôt, une grande table remplie de nourriture délicieuse apparut, sortie de nulle part. Waouh! Vous êtes une bonne fée? Je suis beaucoup de choses. Maintenant, tais-toi et mange, d'accord? Achille mangea autant qu'il put. Et dès qu'il eut fini, la table disparut comme par magie. Merci beaucoup pour la nourriture. Maintenant, si vous pouvez aussi m'aider pour autre chose, je vous en serai reconnaissant pour l'éternité. Achille raconta tout à la vieille fée. Et enfin me voilà à rechercher ma femme, Paris. S'il vous plaît, dites-moi comment la retrouver. Je ne vous comprendrai jamais, vous les jeunes. Prêt à tout par amour, c'est ça? Expliquez-moi. Je vous en prie, je l'aime. Ce n'est pas mon problème. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Je vais appeler le vent et lui demander. Il souffle dans le monde entier. Il saura sûrement où elle se trouve. Elle sortit sur le porche et l'appela d'une voix forte. Oh, le vent, viens à moi tout de suite. Soudain, de toutes parts, des vents violents se levèrent et soufflèrent si fort que la cabane trembla. Du calme, vent enragé. Et s'il te plaît, dis-moi si tu as vu la belle princesse Paris quelque part. Oui, grand-mère. La belle princesse Paris vit dans un nouveau royaume. Son mari a disparu. Un jour où, dans un accès de rage, elle l'a maudit, sans savoir qu'il était sous le coup d'un sort des magiciens démoniaques. Elle regrette son acte et l'attend toujours. Mais maintenant, nombre de rois et de princes viennent à elle chaque jour pour la demander en mariage. Et il est loin, ce royaume? Est-ce que tu le sais? Cela prendrait 30 ans en marchant, 10 ans en volant au-dessus des vents. Mais si je souffle, je peux transporter quelqu'un en seulement 3 heures. Vantard. Excuse-moi. S'il te plaît, ô vent sacré, je te supplie de me porter jusqu'à ma princesse. Premièrement, calme-toi. Et deuxièmement, je ne le ferai que si tu m'autorises à résider dans ton royaume pendant 3 jours et 3 nuits. Peu importe, tu pourras même rester pour 3 semaines si tu le souhaites. Très bien. Alors prépare-toi au grand voyage. Mais n'aie pas peur. Je ne te ferai pas de mal. Vantard. Excuse-moi. Rien. Je n'ai rien dit. Rien du tout. Soudain, le vent siffla et souffla fort. Achille fut projeté dans les airs et porté au-dessus des montagnes et des mers, juste sous les nuages. Et en seulement 3 heures, il arriva dans le nouveau royaume où vivait désormais sa belle princesse. Au revoir, jeune homme. J'ai pitié de toi. Je ne veux surtout pas rester dans ton royaume. Et pourquoi donc? Parce que si je commence à bouger, pas une maison ne résistera en ville, ni un arbre dans les jardins. Autrement, je soufflerai tout. Je suis en effet le vent sacré. Mais quel vantard! Excuse-moi! Au revoir, vent sacré, toi qui es si fort. Merci pour tes services. Achille enfila sa cape d'invisibilité et se rendit au palais. Il entra dans une grande pièce. Autour de la table étaient assis tous les rois et les princes qui étaient venus faire les louanges de la princesse Paris. Lorsque l'un d'eux lui offrit un verre en diamant en cadeau, Achille frappa le verre et le brisa. Tous les invités furent surpris. C'est au même moment que le sac de graines que la princesse lui avait donné tomba de sa poche. Elle le reconnut immédiatement. Il est là! Folle de joie, elle donna à ses invités une énigme à résoudre. Très bien, messieurs. Trouvez cette énigme. J'avais un merveilleux coffret avec une clé en or dessus. J'avais perdu ma clé et je pensais ne jamais la retrouver. Et soudain, la clé a été retrouvée. Elle a été retrouvée comme par magie. Celui qui trouvera l'énigme deviendra mon mari. Tous les rois et les princes essayèrent de trouver la réponse, mais en vain. Mon amour, si tu es là, je t'en prie, alors montre-toi. Achille enleva sa cape d'invisibilité, prit les mains de la princesse et les embrassa. Voici la clé de mon énigme. Le coffret, c'est moi. Et la clé en or, c'est mon mari. Qui aurait pu deviner? C'était simple pourtant. Tous les rois et les princes s'en allèrent dégoûtés. La princesse Paris et Achille s'enlacèrent. Je suis tellement désolée, mon amour. Ma colère a pris le dessus et puis... Calme-toi. Le vent m'a tout raconté. Je ne suis pas en colère, mais content d'avoir retrouvé le chemin jusqu'à toi. Merci, mon amour. Je promets de ne plus jamais me mettre en colère. Jamais plus. Dans la mesure où tu ne me renvoies pas sur une île lointaine, mon amour, aucun problème. Les deux amoureux furent contents d'être réunis à nouveau. La princesse Paris envoya ses gardes chercher les parents d'Achille pour les faire venir au château pour qu'ils puissent être ensemble. Achille fut très heureux et aima la princesse encore plus. La princesse Paris ne se mit plus jamais en colère. Quant à Achille, il a pris quelques tours de magie avec sa femme, heureux de pouvoir les utiliser à chaque occasion.